y deja otro yo si el que yo nací. Il y a là tous les deux dans un océan pacifique. Les vagues perdent leurs yeux, le miroir au reflet magique. On voit là-bas des nuages immobiles flotter dans l'air. On a souvent l'impression de mirage dans un désert. Il fait l'amour avec elle, elle fait l'amour avec lui. Il y a ce merveille devant le soleil qui brille. Il joue avec le feu, on peut être peur de s'éteindre.